بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين ورضي الله عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر ابن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به وجمعنا به في عليين في الفصل الخامس والعشرين من رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم وفي قواعد الشيخ الزروق رضي الله تعالى عنه إعطاء الحكم في العموم لا يقضي بجريانه في الخصوص فاحتيج في الخاص لدليل يخصه حتى يتخصص به إلى آخره. Kon ñi ngi won ci dalil yi nga xamantene ñom ñoo aju ci walu zikkar ci mbolo ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañ hadithu sayyiduna abu hurayra radiyallahu anhu bi nek ñaar sahih te muy wax ci zikkar jotay bi wessu ci hadith bobu la ñekkon nga xamne bu nit ñi dé zikkar ci mbolo malaaka dañu wacc mu leen ak seeni laaf ndax dafa malaaka yoyu yalla daf leen bindu juste ñuy wacc ci suuf di wër ci yoon yi ana fa lañu zikkar bu ñu ñëwé ba yexsi ba kenn gis da na gaay ci dess hey halum ila hajatikum ay way ka leen seen haajo ñu dajalo ñu tek seen laaf mouré ko gaay ñoom ñep ñu mouré ko gaay ñu lay sal ba kérok seen laaf yi di yegg ci asaman su ñuk bu gaay ci kéré ba tassaro ñu yegg sama borom subhanahu wa ta'ala ne len sama jamm yi lan lañu nekké manam fan ngeen jugé ñu nako ñun dañu jugé ci sa ay jamm ci kaw suuf ci ño xamanteni dañ lay sabbal dañ lay kabaral dañuy wax la ilaha illallah dañ lay bak di la kagn di lañu lay sante muna waw luñuy laaj lan lañu ñaan muna aljanna lañu ñaan muna waw ndax gis nañu aljanna muna dedet gisunu ko de muna waw bo leen ko gisoon kon buñ ko gisoon ñom nuñu doxale muna yi buñ ko gisoon kon dañu gëna tar ci sopu ci kon danañ yok sabbal bi nga xamne mom lañuy def dinañu gëna yok liñ nga xamantene mom lañ doon mom lañ doon def fekk mu ñëkkona la la laaj ndax gis nañu ma ñu ne dédé mu ne kon wa buñuma gisoon mu ne buñuma gisoon kon doon nañu la gëna jaamu te dinañ la gëna sant kon doon nañu la gëna yokal sa sabbal gi ñu ne wa luñuy laaj boba wala mu doga lat limuy lat muneko aljana lañuy lat muneko ndax gis nañ ko ne dedet ñu ne ko kon buñ ko gisoon kon do nañ ci gëna tar te dinañ gëna sakku do nañ ko gëna wut do nañ ko gëna xemem ñu ne waaw lan lañuy ragal muneko safara xana lañuy muslu na ndax gis nañ ko ne dedet muneko buñ ko gisoon ñu mëna buñ ko gisoon kon doñ ko gëna ragal dañ ko gëna daw te dañ gëna xirtelo ci ba ci sore ko muné kon nak sama borom subhanahu wa ta'ala ne kon nak jegal na len jox na len liñu bëgg musal na len ci liñu ragal sédelo na len lolu sédelo na len ni jegal na len ñu ne ah waw malaakai ni waw ndax na ene pourtant diw de amna diw mom da don rombu rek manam lol tax ko wona djok ben a djok fa taxona jaar muna waw djegal nako parce que ñom humul jula sa'u la yashqa bihim jalisuhum ñom ay ñu jotay la ñoo xamantene ken du texedi bu fekke dafa jotay ak ñom walaikal qawm wala humul qawm la yashqa bihim jalisuhum ñoñu ay nit la ñoo xam tane kuy jotay ak ñoom du taxeli xaliss bobu ci lañ nekk non lañ ko wa résumé nañ ko alhamdullah légui xaliss bobu motax cheikh omar radiyallahu anhu wala bok en tout cas ci bir xaliss bobu amna ci mbir mu am solo bo xamantene dinañu jariñ ci raisonnement bi mi duggal legi mi ngi indi commencer indi waxu borom xam xam yi rahmatullah alayhi ci wax ji muy ñëkke al imam al allama al sheikh ahmad zarruq radiyallahu ta'ala anhu imam bu mak ci xam xamu fiqh ndax ci ngiru maliki borom tahqiqat yu reeyi la borom téré yu bari la borom nek reference ci ngiru imam malik ci fiqh rahmahullah niki non non la nek reference ci tasawuf rawati na terim yu am solo yi ci gëna ragneeku d'ailleurs cheikh omar radhiyallahu anhu daf leen tudd moy qawaid bobu nga xamne moy qawaidi moy bi ni nga xamne qawaidi qawaid ci en fait qawaid tasawuf la mais dafa comme qawaid fiqhiya la mais qawaid ci tasawuf terim qawaid tasawuf la niki nonu ak téré bi nga xamne mom la sharha al hikam sharha al hikam bu ibn ata al askandar def na ci ñet ñent mais amna ci bo xamantene mom lañu mool mom moy bi gëna siw radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa ja'ala aali al firdaws maswaahu wa ma'waahu al sheikh ahmad zarruq mun wa fi qawa'id ci qawa'id sheikh serigne bu mag bobu al sheikh ahmad zarruq radiyallahu yalla gërem allah bu yalla ta'ala ci ko yaanu ci mom mun qaida bi moy lan ci qaida bi moy i'ta'ul hukmi i'ta'u juhuk al hukmi ate fil umumi ci lu matale la yaqdi du waral bi jiryanihi ci ñukoy dawal fil khususi ci li nga xamantene mom moy lu jago qaida yi mom i'ta'ul hukmi fil umumi la yaqdi bi jiryani bi jiryani jiryanihi fil khusus fil khusus d'accord i'ta'ul hukm fil umumi la yaqdi bi jiryanihi mom fil khusus est ce que dafa dugg ci comme qawaid fiqhi la waaw est ce que dafa dugg ci bu gina mak wala mom mom yeneen yu ndaw yi dañu dugg ci ronam wa mom non mom en fait qaida bi qaida usul yi la gëna jégué usul yi moy al 'am yutlaqu 'ala 'umumihi hatta yarad dalil at-takhsis d'accord donc mom day ci fofu la gëna dugg wa ci ronu qaida bobu la dugg ci qaida bobu la qaida usuliyya la usuli wa qaida usuliyya la d'accord alors que fi buñ ko hein buñ ko indé fi ci ban qaida ci ban ci qaida lay gëna dugg ci al mashaq du al umur bi maqasidha do al amashaq en fait day nek a cheval entre quelque qaida kon amna waaw yu mel non comme wa nak mang koy doga yek voilà c'est ça pour mon qaida dafa am non amna yo xam day nek a cheval leg leg tamit day am lu ñu tuddé ad-dabita moy mom lañu ad-dawabit moy plus réel moy règle bo xam tane ci lenn rek lay dox comprends d'accord mais par exemple qaida usul la ci ron qaida usul bobu la duggu yangi deg règle usul bobu la moy ya'ta'ul hukmi fi al-umumi la yaqdi bi jarayanihi fi al-khusus moy lan moy jox atté ci lo xamantene dafa matalé moy lu général ñu jox ben atté ci règle bu général wala ci question bo xamné dafa am une généralité nga teurel ci ñu teurel ci ben atté mu am loi bu ci appliqué wu lolu du waral né obligé à chaque fois particularité bi su ñëwé rek dañ ko ci appliquer li ci usul lay dugg ci digënté al am wal khas d'accord donc manam buñ ko doon buñ ko mënon di firi wala di koki di bu ko wax en français da ngay né toute règle wala toute généralité implique une règle mais la règle dans certaines conditions a une exception voilà c'est ça voilà pourrait avoir une exception voilà parce que du fait play dougou exactement d'accord moi dans les lois taxes mon nom moi taxes mon nom une particularité parce que la femme l'union le général est particulière comme l'exception confirme la règle voilà en fait voilà moy lol l'exception confirme la règle mom non lañ ko meuna traduire lol la xalat way bëgguma ko voilà à peu près formuler affaire mais bon de façon ah d'une manière générale bon à peu près dans man djégué na lol pas mais dinañ voilà djégué na ko voilà mais buñ traduire buñ commenter inshallah dinañ ci gëna dinañ gëna comprendre inshallah c'est-à-dire que ñu am règle bu général du waral tout le temps que ni tous les éléments de cette généralité règle bu def ci appliqué wu mon ami exception ci bir généralité très bien d'accord dinañ ci ñew bu mo waxé li cheikh amadou darok bu paré radhiyallahu wax ba paré après dinañ ñu wat ci peut-être inshallah ci léral yenn mbir yi ci walu qaida yi ni ci walu bi inshallah ta'ala yalla jappal kon mu né fahti jagnu bo wa def na ajo fi khass ci li nga xamné dafa jago moy lu particulier hein dinañ ci aajo li dalil ñeel ab dalil ab tektal yakhsuhu bu koy jaglel bu koy particulariser hatta mbété yu takhassasu ñu jagle ñu indi jagne bi ci mom kon bu boba particularité bi day lacc rek manam la généralité bu fi nekké fi mu am lu particulier exception yi règle bu général bi nek fi ñun exception exception bobu day lacc dalil mom tamit pour mu mëna particulier pour mu mëna particulier parce que tamit comme que généralité lool la comme par exemple mën na ñew légui ni sax ci règle yoy ci explication bi pour mu gëna lèr mu gëna gaaw dugg suñ né aqimus salah taxawal leen julli kan mo ci genn kenn gennu ci tout le monde il est dedans xala bi mi ngi ci mag bi mi ngi ci goor ngi ci jigeen ngi ci dofa ngi ci ki xela ngi ci ki xello ñepp ngi ci maintenant dalil yi nga xamantene maintenant amna ay cas particulier ci taxawul leen jur xamna ni xala bokku ci mais pour ñu xamné xalé bokku ci fan lañ ko xamé est ce que ci règle générale bi ney xone julli farata la ci lañ ko xamé wala dedet dañ ko xamé ci benen ay dalil ay preuve ay argument yu particulier yo xamantene ñom ñoo wala ni xalé julli farata du farata ci mom comprendre nga julli farata la moy règle générale bi mais pour ñu gemi ci jigen ju gis mbeureugam and nak xalam and nak lepp mukallaf na lepp mais pour ñu gemi ko mom dafa laaj dalil duñu top top rek daal ni ah jigen du gis mbeureug mom bokku ci dedet deug dañuy xol lan moko meuna genné parce que lan motax ki gis mbeureugam ñu meun ko ci genné ki gis jor ngal duñ ko ci genné am jigen ñi xam dafa fay règle prolongée lutax duñ ko ci genné parce que ki gis jor ngal dalil genné wuko ki gis mbeureug mom la dalil genné ki eumb jigen ci eumb wala ki febar lan motax ken gennewuko ci julli parce que dalil moko gennewul dafa dugg ci généralité bi lepp lu dalil wara genné même kep ko xamné war nañ ko ci genné dafa am règle bu ko wara genné dafa am texte bu particulier manam argument bu particulier preuve bu lèr bu ko wara genné d'accord comprendre d'accord ah lool mom peut-être exemple la bo xamné boko xese boko joxe rek ñepp lañuy ko waaw bi mom leena nañ alhamdullilah alhamdullilah bi mom alhamdullilah nañ ah voilà deng waaw legi nak muy joxe ci exemple ci bir lool mu ne wa min zalika bokku na ci lool nak al jahru di biral bi zikri ci sikar wa du'a ak ñaan wal jamme ak di dajalo fi ma ci ñom ñaar manam ci di sikar ak ñaan a aw wala bok la huma ñel ñom ñaar legi xam nga alquran day xirtal ci zikr day xirtal ci ñaan deug la loolu amna dalil yu dul jeex gis nga ay hadith yi ñu rombon yépp sank day tektale ci lan zikr mais wara loolu ci zikr la de manière générale mais dafa am ci façon yi zikar yi dafa am ci façon zikar zikar ay façon yu bari la comme niñ ko waxewon maintenant le fait que ñu dajalo di wax la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah di dajalo di wax lool lan moko duggal lan moko duggal parce que généralité bi mo fi ne mais particularité bi dafa lacc manam bu fekenteene façon biñ koy defé dafa particulier parce que façon biñ defé zikar bobu moy le fait que ñuy dajalo wala bok le fait que ñu war ko wax ci kaw d'accord dafa lacc dalil bu dafa lacc dalil buy argu wala bu koy tax buy justifier que ni acte bobu nek ni voilà. Même si zikar de façon générale lañu wax voilà. Ñun le fait que ñu particulariser ko di dajé de cette façon là voilà. Et méthode biñu utiliser voilà. Ni ñu koy défé voilà. Dafa am dalil bu koy woné d'accord bu woor bu ci tégg exactement lool dafa waram d'accord munoko gena même bu dé dañ ko généraliser bu fekkentene dang ko defé de manière particulière bo xamantene bokut ak généralité bi rek day laaj preuve day laaj argument d'accord comprendre d'accord comprendre le fait que ngokoy wax ci kaw ak le fait que ngokoy beural diko wax ci souf non non ak le fait que ñuy dajalo ñuy dajalo d'accord yaangi dem munafa amma dal azzikra zikr fa dalilu tektalam manam di zikar diko di dajal diko di dajalo diko def wala nga koy wax ci kaw koku mom dalilam legui moy lan dalilam moy man zakarani kep kuma zikat kep kuma tuddu man yalla fi mala ci mbolo zakarto dana ko tuddu fi mala ci mbolo khairun bu gën min hu ci mbolo bo jeexna d'accord bo mu tuddé al hadith bi mo wax na hadith qudsi la mi ngi ci ñaari sahihi sahih imam al bukhari ak imam muslim ibn al hajjaj radiyallahu anhu moko la moko prouver hadith qudsi la yannabi sallallahu alayhi wasallam ne di netali jeli ci borom bok na ci mbolom moy ci bir aya bo hadith bo moy kep kuma tuddu man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi kuma tuddu yow kesse ci sa bop mu tuddu la ci sa bop mais kuma tuddu ci mbolo man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khayrun min kuma tuddu ci mbolo mu tuddu ko ci mbolo bu gën mbolo kuma tuddu voilà d'accord donc lolu mom moy preuve que ni zikar ci mbolo voilà mais lolu tamit batay zikar ci mbolo la de manière générale moy tuddu nga yalla rek ci mbolo légi mu dess yenen façon qila qila du qablu qila waxefna donc dem fi tom voilà dafa am benen wa min adillati bok na ci tektal yi nga xamne mom moy tektal zikar bo ka zikrikum li aya bo wax ka zikrikum kem ni ngeen di sikare abaikum senu kem senu tuddu abaikum senu baye awol bok achat ba gën ja tar ci karam senu baye ni ngeen tuddé sen baye moy gaay buñ dan djugé musdal ifad buñ défé ifadal manam buñ djugé arafa di dem musdalifa ki at ngay wax ni ci at légui dañ dan tuddu sen mam yek sen baye yek yoyu diko wax ci kaw di ki ken di wané ni yaay voilà alquran né nak de len tuddu yalla légui bo len yegg mais comme ni ngeen di tuddé sen baye wala lu ko gëna tax wa qala waxna abdullah ibn abbas ibn abd al muttalib radiyallahu anhuma radiyallahu anhu neena ma kuntu nekumon hadith bu nek ci sahih imam al bukhari mi ngi tam ci sahih imam muslim rahmuhullah ibn hajjaj wa muna ma kut fagn de kat lool mo woor abul hasan man muslim al hajjaj ibn hajjaj rahmuhullah deng wa mune ma kuntu nekumon arifu di xam insirafu demu annas nitni manam no wulbatiku annas nitni min as-salati ci julli ala ahdi ci jamono rasulullah ndawal yalla li sallallahu alaihi wasallam illa bi zikr lul ci zikr amna ci benen riwaya illa bi takbir la wax non lul ci kabar yi mak yi kaw yi ñu wax gaay mom nim dal xame ne julli gaay yu paré nañ jamono yantim sallallahu alaihi wasallam moy gaay buñ tay kabar buñ taxawul allahu akbar ñuy sikar sikar yoy ñuy sikar ci kaw ci lay xamé ni gaay ndekete julli nañ ko paré d'accord moy bo julle ba paré yi ngay wax et tout ça wa yi muy dégg voilà voilà mo ñoy dégg voilà ci lay xamé ni kon gaay sikar nañ ko paré d'accord sauf que hadith bi haqiqatan badu dafa am non c'est que il faut mu leer legui ni manam du tektale zikar comme ñepp di tok di zikarando parce que hadith bi en fait dune parce que boko degé ni lan ngay comprendre moy lan motax mu koy yek ke buñu kabaré buñu bu gaay des zikar c'est le fin deg ñi wax ci kaw waaw mais lan motax parce que mom dafa fekké wul julli gi wala dafa tardé wa loolu la pèse na ma lèr wa mais ni nga gissé hadith bi ni rek zahir lan la lay dox moy fekké wuko moy fekke wuko alors que fekke na julli gi c'est que ñom ci rang ya ci gina xam nga mom xalé la won ñom ci rang ya ta gannaaw lañuy ki yentou sallallahu alayhi wasallam mom duko meuna deg buy julli duko meuna du meuna gis duko gis parce que rang bi day bari xam nga duma yentou bi sallallahu alayhi wasallam medina nga xamne presque ñu ëpp ci ñom ñep ay julli lañu yentou sallallahu alayhi wasallam bu dé di jité gaay mbolo mi day bari bari way bo xamne mom bu ga manam fami ni mi xamé ni gaay paré nan moy bu déggé gaay zikr ñoxé abd assalam allahumma anta wala ak allah akbar la ilaha subhanallah yoy non sauf que problématique na parce que manam dafa am ay questionnement yu bari yu ñew ci hadith bi ci ginnaw ay questionnement yu bari ay leunt da parce que nek won ci buntu jakk bi et tout ça non ay leunt day nek ci hadith bi parce que kon nan la doon xamé ni gaay ñi ngi seug ci gi c'est-à-dire lérul dal voilà il est pas explicite on va dire hadith bi voilà. Pour que vraiment ñu mën ci dogu né voilà dalil. Donc ce qui veut dire que voilà explication voilà ben lenn mom mo ci gënon yan li ci gënon yan manam moy kon mom moy dafa doon tardé bu tardé la d'accord moy su tardé lool rek moy yanu mana fi sauf que nak li nga xamantene mom moy mbir mi moy ne du de dafa tardé donc amna leunt bu plané ci hadith bi denga muna wara wa solo nako al-bukhari imam al-bukhari rahmalah muna wal jahru biral nak fi zikr al-eid ci sikarok eid wa fi dubur salawat ak ci ginnaw julli manam ci gennu julli gi moy buñ julle ba pare wa bi suhuri ak bu gaay de par exemple ci buñu jugge fil asfar la ci tukki hatta qala ah man bu gaay de jugge ci tukki di ñew nga xamne non yi masalan lañu doon xexal kabar yoy ñuy kabar ci bir jihad yi ak buñuy tukki waaw manam voilà mëna nek wa bi suhuri moy buñuy kabar buñuy julli ci zik manam buñuy kabar di zikkar xam nga buñuy xex du wara tsongu wa okay tsongu gogu budé am dañuy kabar manam wala ñu zikkar parce que gaay dañ ko daan def manam buñuy ki dañuy am ben slogan bo xamna mom lañuy zikkar comme Allahu akbar wala wal hamim amna jamono yo xamna lolu mo nekkon sen wala alif lam mim genre yoy wala yenen xet zikr la ilaha illallah la ilaha illallah dem song ak ci tukki tamit d'accord yaangi deg kon ay jamono la yo xamantene nit ñi dañ ci daan ki moy fi zikri layli ci sikaru et wa fi duburu salawati ginaaw julli gennu julli wa bi suhur ak ci chong gi wa fil asfar ak ci tukki d'accord donc à chaque fois ñu tuddu yalla voilà ci kaw à haute voix et en masse en groupe voilà d'accord mais à chaque fois ci kat bi mëna changer amna ben jakk bi nek son wotu keur buñu julle ñom waxtu buñu julli ba paré dañuy def juroom ñaara salatu fatih mais buñu def salatu fatih ñepp ñu tok ci jakk bi dañ koy wax waaw dañ ko mass Allahumma salli ñepp diko wax ba mu jeex ñom loolu seen particularité la waaw loolu ya yoyep waaw ay façon lañ day kon day dugg ci donc voilà ci yini d'accord hatta mbeta qala waxna ali yalla nek ci mom yenen tibi as-salatu julli wa salam guñu lekkale mucc da nan wax nan han arbi'o delu len manam wax woy waccé len ala anfusukum ci sen bak bop manam bo len les zikar wax len ci souf ñaan bo len de ñaan souf wax len ci souf manam deug ki len ko dal manam franku lay len ci sen bop manam moy waxé len ko ci anam go xamné dal manam geur len concentré wu ci li ngeen di def fa innakum li wer bor moy yeen la tad'una neko len di ñaan di wo afam ku tax wala ghaiban du tagen ku faddu ki ngeen di ñaan taxul faddu won kon def len dank wax len ko dank te ngeen concentré wu ci li ngeen di wax voilà waqta deug jahara birulna alay yalla nek yentibi as-salatu julli wa salam ak guñu lekkal ak mujj bi azkar ci ay zikar wa ad'atan ak ñaan fi mo watene ci ay beurep jamma yu bari kadhalika nek non as-salaf mag ñu bax nya rahmatullah alayhi wa sahhat wirna qawluhu mom waxam yentibi sallallahu alayhi wa salam jawaban birum nek aji tontul ahlul khandaq ñel wa khandaq ne allah biñ da non allahumma la khayra illa al-akhirah faghfir lil ansar wal muhajira biñu ñaan non buñ doon ki xandak jour xandak biñ doon ki ndeysaan xare bobu non xandak wa moy biñ doon tabax biñ doon gas fossé bu reuy bobu non d'accord kamb yu ri non pour gaay buñ ñëwé xam nga comme plus de 12,000 en tout cas japp 12,000 personnes dañu jigé won ci def trip ki wa quraish makka yahudi fi ñeneen manam nonu lepp kep ku nono l'islam rek gaay dañ ni ki dal nañ ko sakal pexe ben yoon une bonne fois opportunité nañ ko songu genu ciongu ñu def coalition mo lañ wax ahzab batay moy khandak moy khazatul ahzab moy khandak batay la guerre des fossés ou des tranchées voilà tranchées exactement tu lutti ñeuk def stratégie voilà les gas ay pax tout autour de Médine voilà ay piège voilà ay pax lañ fa tax voilà lool la voilà mais ñom dal bu affaire bi dal xew dañuy def xand ki Salman Al Farisi radhiyallahu anhu mo lan ko xelal ndax ñu wa fers bu ñu dal dañuy def xandak wa moy def xand way lo mel mu def fakhire yu defar wala ñuy gas nak legi nak ñom dañ doon wax nañ Allahumma la khayra illa khayral akhirah faghfir lil ansar wal muhajira wala bok la aisha illa aisha al akhirah amul dundu kala allahumma yobur yalla bi ci duru mel yu rafet ak mel yu yegri la khayra amul yew wala amul dundu illa lul khayra yew no illa al akhirah lul ci al akhirah bok wala allahumma la khayra illa al akhirah okay amul di ci digu allahumma la khayra illa al akhirah lul al akhirah faghfir yalla nga jegal lin ansari ñeel ansari won muhajir ak ñi nga xamni ñom ñoo muhajir ñi gaday ansari wa madina ak ñi gaday wa ma djugé mak yoy ñu doon wax diko defal manam biñu gas di wax yoy non wa ah wa kullu hadhihi ci li yep nak dalatu ñuy tektal ala jahri ci biral wal jame ak bolo yep dañuy tektale ne ay argument voilà par exemple ay cas yu particulier yu bari dañuy wané ni ay événement yu bari yo xamantene ay cas lañ yo xamantene dañu marquant yu wané ni dan nañ zikar ci mbolo groupe bari diko defandou ak diko wax ci kaw lakin way nak qadaya ay xew xew la yo xamne khassatan daño jago manam ay ci ay cas yu particulier lañ nak tamit kon nak yakunu dana nek wujuduha ak dajam manam ak existence am mustani dan di mbirum nek manam mbirum nek aji sukkandiko manam def na meuna sukkandiko ci ne lolu dan na am ci xew xew yu particulier manam sik nekul ci na kon existence bi amna waya la dalilan waya du meuna nek dalil du meuna nek argument même yi ni munu nek argument ci ñuy dajalo di zikar du comme par exemple wazifa wala hadar d'accord lutax mune l'ihtimal ngir yanu gi mu yanu ne qasruha ak gattan lom ala ma ci li nga xamantene waqat mom la rot fi ci mom ndax possibilité bi nek ci ne c'est des circonstances particulières voilà. qui ont justifié ce zikr particulier et que qui moment yéré rek te permettre d'accord kon moment yéné ni kèn duko défé nonou d'accord comme noddou ah non fan lañ koy def bu julli joté jeexna do dox ci medd mi di noddu nonu té voilà pour manam kenn du noddu par exemple pour julli eid tebeske korté hmm xam nga julli lañ kenn du len noddal hmm dañuy shikar avant voilà après ni di imam de khutba voilà té fofu lañ xamé ñuy zikar avant nonu nonu ci ci mbolo mi nonu mais xamé wuñ ko par exemple ci julli yi ni ñu né nañ tok zikar avant ñu dogu julli hmm comprendre ma comprendre na wa hmm donte dinañ ñew ci wax la né la ayul ci def ko zikar bob mais da manam du luñu yonal man du lo xamné sharia du ko teurel ci yon ci fofu alors que fé sunna la ci ñu def ko hmm comprendre hmm effectivement wa effectivement ak talbiya gi tudul talbiya gi peut-être don ko mais par exemple le fait que ñuy dajjo labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak hein ni koy waxando acca labbayk allahumma labbayk waaw bu gaay jige mi xati wara dem nak hadid dem makka wala lañ koy commencer et cetera ak bi xam nga yoyu c'est des moments particuliers mais du sharia du ne la par exemple del dox ci mbedd mi même budul lol ngay wax la bayk allahumma la bayk dedet waaw gis nga lim bëgg wax waaw gis na lu bëgg wax legui nak fi dafa am ben règle usul tam bu mu junjute waxu moy inna dalila idha tatarraqa alayhi ihtimal dakhala fihi al ijmal wa batala bihi al istidlal moy dalil su fekkante na dalil dafa ñew inna dalila idha tatarraqa règle kilo is usul règle fiqh la am tan qaida usul qaida fiqh la am tan dalil bo gis su fekkante na ay possibilités mu yanu luy wañi luy lu koy baña tekte la da fene yeneen ay possibilités da fene dakhala fi ijmal leg ijmal da ci dugg moy ak lebu moy quelque chose de très concis de telle sorte que dafa laaj detail pour mu leer wa batala bi istidlal legi sukkandiko ci pour di lay diko lay day daal yakko xolal par exemple comme mo jox la exemple hadithu abdullah ibn zayd radiyallahu anhu bi nek ci sahih imam al-bukhari muna yanabi sallallahu alayhi wasallam tawadda an-nabi sallallahu alayhi wasallam marratan marra wa marratayn wa marratayn wa thalathan thalathan yanabi sallallahu alayhi wasallam jappuna ben jappuna ñaar jappuna ñet dalil bobu possibilité mom la shafi'i par exemple rahmatullah alayhi bi sukkandiko ci ne massa bop ñet lañ koy def mom lañ gëna sopp parce que boudé da nga japp ben yon ngay massa sa bop boudé da nga japp ñaar yon ngay massa sa bop boudé da nga japp ñet nga japp ñet nga massa bop ñet yon parce que lan motax parce que hadith bi ijmal manam dafa nindul ni la ko waxe alors que ñi ci dess dañ nan le dedet parce que ihtimal daf ci ne manam possibilité wu Sayyidina Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu di ex wax hadith bi fek lim ci djublu moy de manière générale manam moy li upp ci ciri ñet la ko def sauf que bop comme xamone nañ ni ben yoon lañ koy def ci yeneen hadith yi def ay yeb ben yoon la wax na lañ ko def te yag nañ ko xam donc possibilité wu mu résumer non wax yi parce que li upp ci ciri ñet la ko def motax possibilité bop daf ci nek kon bu boba dakhala fi ijmal kon ijmal daf ci dugg parce que hadith bi mujmal la te al mujmal yutlaqu ala ijmali ha wala bok yuhmalu al mujmal ala al mubayyan lol tam règle usul la yuhmalu al mujmalu ala al mubayyan gis nga motax amna pour gis ngeen ni xam xam yu dugante legui nak dañu commencer dugg ci usul qawa'id fiqhi usuli voilà gis nga dañu lié bu baax sa voilà xam xam gis nga ni dugante parce que depuis buñ tambalé bi affaire hadith bi lañ doon wax dalil tafsir ki tasawuf lañ nekkon mais legui ñi ngi dugg nak ci usul qa'ida fiqhiya ta usul pure et dure instant bi né gis na nak dafa technique voilà c'est très technique c'est à dire il faut que ce esprit ñew pour nga mëna vraiment comprendre la subtilité yi nek légui voilà ba faré aussi nga xam nañ koy utiliser voilà parce que xam règle ben affaire la mais xam condition d'application règle bi ak ana naka la koy utiliser comment utiliser cette règle là lol benen affaire kon gaay bari ci affaire lañu djoumé kon waaw mu bari gis des fois ñu avancer ben ki ben dalil waaw alors que peut-être ils n'ont pas envoyé la bonne règle exactement. À la bonne place voilà exactement quoi? Exactement lol légui si parce que lepp lo xamantene dafa concis comme tay par exemple yow boné ma buné alcorane néna aqimus salat taxawal len djul lolu c'est détaillé wala c'est concis lolu c'est détaillé wala c'est concis taxawal len djulli len c'est très détaillé c'est détaillé djulli len taxawal len djul c'est concis hein non c'est détaillé en tout cas man non la ko djappé c'est détaillé lutax parce que taxawal len djulli dafa yaatu expliquer wé nan lañuy djulli djulli bi ñaata rakala ñaata ki mo ci am expliquer wuñu voilà donc lol c'est concis c'est pas détaillé lol moy ijmal moy lo xamanteni dafa lemu ni rek xamoo lu ci ne xamoo détail yi ci bir d'accord waaw donc c'est concis ça voilà waaw c'est concis c'est très concis même voilà waaw c'est concis légui kon dañoo soxla baat bobu non mbolem hadith yi ñew di wone nan lañuy jullé lu concis lol lay expliquer d'accord comprendre d'accord comprendre OK donc Dis-moi quoi est-ce que cette vidéo là. Non, le voir, c'est compliqué. Ouais, non, compliqué, c'est compliqué. Compliqué. Mais c'est que ça dit mes xam xam yi dugunte tout ça. Des fois bo démé ci usul ak fiqh la concentration parce que dafa technique. Voilà. Ouais, mais xayde yi dañu technique quoi, il faut vraiment Ouais, mais non, mais c'est pour expliquer la règle bi rek. Bu xam nga règle mo lo expliquer ding ko meun comprendre. Ah waaw. Suma la waxé mé la. Ouais. Né ba paré c'est té lool la ñëpp yi doxé. Deug la. Voilà. Buma né la démal ma marché nga jëndal ma nga nduggal ma. Démal marché nga nduggi ci. Boko waxe sa soxna ne ko demal marché nga nduggi ci ben nga jox ko 10000 francs ne ko demal marché nduggi da nga consi wala da nga détaillé da nga consi légui mom nan lay xamé lan nga bëgg il faut que mu référé wu ci yeneeni wax yo xamantene peut-être waxtanon ngeen ci veille bi ci ne ko voilà souba nak li la bëgg agné voilà et cetera voilà bu boba mu xam say habitude voilà mu xam say habitude keur la la gëna bëgg et cetera la moy plat préféré voilà voilà xam nga buñ joxe exemple bobu baye di dinañ comprendre waaw mom day yom mom ak chicken yi waaw mom voilà ay comprendre hein yaakaarna c'est clair ouais c'est clair voilà lool mom moy lol moy yukhmalul mujmalu ala al mubayyan dañuy jël yi nga xamantene ñom ñoy concis ñu appliquer ko ci texte yi nga xamne lañu détaillé moy la jaadu sax exactement pour mëna comprendre nan lañu défé mbir mi voilà légui nak dalil pour ñu delu wat ci qa'ilu mala sax inna dalila idha tatarraqa fihi al ihtimal bu fekke ihtimal yi daf ci am moy ihtimal moy possibilité moy lo xamne dañ nan amana li la te xamuñu ban la ci d'accord donc manam amuñu preuve buy wone ni bi la wala be il y a plusieurs options possibles boba da xala fihi al ijmal ak lamu da ci dug manam dafa melni lu concis lo xamne dafa laaj ñu détaillé ko bu boba wa batala bi al istidlal legi nak pour mën ci sukkandiku def ko argument day daari mëna yaq do ci meuna do ko meuna layet lol nak mo arrivé ci hadith ci événement yi zikr eid bek labbayk bi gaay di def ak ban ginnaw julli bi nonu ak ci chong ge ak yoy yep meuna nek ne c'est parce que ay circonstances particulier ci lako sharia yonala mais yonala wuko fenen comme nak lolou possibilité bi amna keuni non yonal nako ci yenen wala bok possibilité amna ki ne yonal lako fi manam fi lako yonale kon possibilité yépp am nañ keñu yonal nañ ko fi yu waye keñ yonalu ko fenen wala bok yonal nañ ko fenen waye keñ yonalu ko fi amuñu dara lu len di départager duñ ci mëna sukkandi ko d'accord parce que c'est pas une preuve irréfutable exactement ba paré tamit nit ki mëna ci douter manam man ak yow buñu wéranté ci lool yow mën nga ni non pourquoi nga bëgg utiliser argument bi alors que il y a l'autre possibilité effectivement parce que voilà dafa nek bo argument bo xamni c'est un argument à double tranchant exactement d'accord voilà d'accord comprendre yaangi deg waaw de nga kon l'ihtimal ngir yalla gimu yenn qasruha ak gattagn lom alama ci li nga xamantene waqat rod na fi ci mom wa kawna ak nek gimu nek maqsuratan di aji jublu way li ghayri ha ñel leneen lu dul lola la li zati de ngir jëmum manam allah allah allah allah allah no me tay ci tay ñu ngi ci qawaidi dama don mu neex la tamit mom tamit waaw tay mom gis na nek mom tay mom ñu ci waaw mom tamit dama mu neex la dama xam xam bu rafet la ma sha allah ah xam xam la bo xam tane nit ki fek maîtriser wul xam xam yi qawaid usul yi qawaid fiqhiyye et cetera du meuna nek borom xam xam bu tax ñuy wax d'accord parce que da dul man limu dul man moy da dul xam nu ñuy argumenter pour meuna tek até pour meuna wax né li baxna wala bonna wala li daganna wala haram d'accord duko meuna am da dul meuna am argumentation une bonne méthodologie d'argumentaire duko meuna am il faut que maîtriser domaine bi obligatoirement gis nga ni mi tek parce que pour mbir mi lèr est-ce que man nan lay défé dara mu lèr man sharia a andana ci il faut que ma am ma xam règle fondement sharia yi usuli qawaid maqasid yi nga xamne mom lo sharia di am manam sharia su teure le dara objectif yi lan la a quel fin la waxi nangam c'est quoi la finalité voilà et cetera voilà manam kon fi leg leg tamit dafa am lo xamantene mom lañ wax maqsudun li zatihi ak maqsudun li ghayrihi bude maqsud la lizati lo xamne dañ ko hein dañ ko reg dañ ko tek ngir mom ci jëmi bopam koku bu ngir jëmi bopam lool mom moy maqsud moy objectif bu fekkante ne dañ ko def ngir leneen lool wasila lañ ko tuddé moy moyen la moyen rek la xolal place yi yep ñu wax ne dañ ci zikkar mbolo dalil li ñew ci moy yi ñu jotta tuddu place yi bo xolé est-ce que légui il y a une possibilité mom la wax dañ ni la waxuma la ne le fait que ñu war ñu yonal ko ci place yoyu nonou mën na nek ne dafa particulier que ci place yoyu lool ben la mais amna benen affaire bu ci nek ba tax duñ ko meuna sukkandiko mom kesse moy il y a une possibilité ci mais yoyu dañ ko yonal pour lenen pas pour bopam manam du zikar bi ci jëmmé bopam mom lañ ci djublu mais la tax ñu yonal ko lenen la comme par exemple bu dé ci xex bi yoy non ngir gaay sawar la bi gaay delu wat ci yalla la ci jamono joju particulièrement wala bok su fekente ne par exemple ci tukki la ngi xam nga rek tukki nit ñi bu ñi delu suwat tout ça wala ci at bi et tout ça voilà at bi motax ñu yonal lolu pour at bi ndax dañu wuru wuy jiya cette situation là wala cette voilà ce zikr là est particulier voilà. À l'événement voilà à un événement qui n'est pas lié à l'événement. Ouais, lié à l'événement voilà. Particulier. Voilà. Événement particulier. Voilà. Voilà, le zikr particulier est lié à l'événement particulier. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, objectif bi dou lolu mais voilà. D'accord. Donc possibilité bobu amna ci. Té comme possibilité bi amna ci. Waaw. Hadith dalil bi ki règle bi mala waxone légui ni daf ci delu ci wax moy inna dalil. Iza tatarraqa fihi al-ihtimal. Dakhala fihi ijmal wa batala bihi istidlal wa fa lazima wowa mu dadi war nak mu dadi takko nak tamhidun ñu lay tayal nak aslun ak ciosan akhar benen kon fa ngu am benen regel d'accord il faut ñu am manam benen ciosan manam benen argument benen preuve buy woné né lool man nané c'est à dire que donc mënu ñu rek sukkandiko ci li il faut ñu utiliser ñu outil yeneen argument d'accord suma top qalam wax al sheikh ahmad az-zarruq radiyallahu yalna gërem allah bur yalla anu ci mom qa'idatun qa'ida ngi ni moy isbatu sakhal al hukm atli qadiyatin ngir ak xew xew khaftatin bu jago la yajri du daw fi umumi ci mbollem naw e ha xew xewami manam xetami isbatu al hukm li qadiyatin khassa la yajri fi umumi naw'iha c'est que bo gisé xam nga fim toll ni li nepp manam day xam nga lutax muy indi da ko indi dila wax na la sukkandiko wu ma ci yi nga japp ne yoy la sukkandiko Allahu akbar motax mulay muy indi yi cheikh mari Allah ya rafa Allah amin c'est à dire yi doute wala yi litigeux voilà daf koy écarter voilà lolu tax mu indi wax cheikh ahmed zarouk radi Allah d'accord parce que sidi ahmed zarouk radi Allah argumentaire bi mu def argumentaire bu yimi la yalla ya rafa amin manam parce que cheikh ahmed zarouk tamit radi Allah au même titre que yenen tax nitu tasawuf mom ci bopom nitu tasawuf la nitu tariqa la ba para day dañuy def zikar mbolo kon il faut que mu indir ko ay argument deuguer voilà qa'ira bi moy lol isbatul hukm li qadiyatin khassa la yajri fi umumi naw'iha mo qa'ida mi isbat sakhal al hukm ate li qadiyatin ngir xew xew khastatun bu mu jago la yajri du daw fi umumi ci mbollem naw'iha xetami moy buma saxale ben ate ngir ben cause bu leer ngir ben xew xew lolou tekki wul ne sa yu lu mel nonu amé rek ate bobu day dal di ñewat d'accord manam sa genre la bëgg wax sa yu genre bobu amé lolou day tolok benen qaida hein est-ce que li règle bi waxuko won ci kaw mel une façon différente de douma lolou amna différence dama koy waw amna différence non xolal ve danila motam manela wala li wala sank dafa le neena la fiq non usuli waw dafa laaj vraiment concentration parce que dafa technique quoi waaw laaj rek deglu dafa laaj compréhension esprit d'analyse et tout ça voilà. Comprendre affaire yi différence bi particularité yi généralité yi et tout ça waaw xolal règle bu ñëk ba la ci kaw waaw daf ni la joxe ben atté bu général waaw manam mën nañ ni l'exception confirme la règle mom lañu kon joxe bobu comprendre nako bobu alhamdoulillah waaw légi benen bi tek na ci benen han parce que bi moy ñettel bi je crois amna am parce que entre bi ci kaw ak fi ñu nek ni amna au moins ñaari yenen xaway dañ fi gis fi ci digënté bi la qaida bi mu junju lool la wax waaw non ben qaida mu junju mom lool man mako wax né mom la doon jundu mais waxuko d'accord mom moy dalil wa su fekente ne dafa am dafa lemu c'est à dire que dafa concis il faut que mu lat ay manam bu boba bu concisé de telle sorte que ay possibilités yu beur de ci meuna ne ken du ko meuna utiliser comme argument voilà parce que possibilités daño bari kon munu ko utiliser pour argument wu li kesse d'accord lolu da nga comprendre voilà comme tay mi ngi melni rek pour jox la exemple ci lolu moy dama tek fi sama enveloppe 5000 euros fi keur gi fukki nit nek fi 5000 euros bari na kat wa fukki nit nek fi ma dem delu ci gisatumako possibilité bi moy borom keur gi ko jël amna yenen possibilité du rek ken borom keur gi ko jël amna possibilité ñenen jël ko lool mo indi ne duma mën comme possibilité yow comme que yaay borom keur gi ya ko jël tekki wul ne amul benen possibilité manam comme que yenen possibilité amna ci duma mëna utiliser rek keni way kon moko jël wala par exemple pour mu gëna leer moy man la ma tek ko fi ni la xolal mako ben way ñew jël ko xam nga il y a une possibilité que ni yow mi mako dinko ne tek ko fi ne ko xolal xolal mako yow ya ko jël parce que yow la ko dinko possibilité mo xam nga for na mais comme yenen amna yenen possibilité que ni non effectivement ya ko don xol bu baax pourtant ni dogu ne que voilà enveloppe bi yow ya ko djel voilà que d'autres possibilités sont possibles voilà sont là voilà il y a d'autres possibilités qui sont là et puis mouna nek tamit que lolu la voilà donc bu boba mounoutuma def argument que ni rek yow la ko denkon kon yow ya ko wara lek ya ko wara djel voilà c'est un argument valable maintenant nak lolu da conté mo wara la laj ay responsabilité parce que yow la ko denkon mais en tout cas est-ce que yow ya ko yor nak legui instant bi ni lolou mom ay possibilité la d'accord wa bop comprendre nak comprendre comprendre na bop comprendre nga l'exception confirme la règle comprendre na bop comprendre nga bi legui mu dess bu mujju bi wa mu dess mujju bi bu mujju bi wa moy suma ATV ci ben xew bu particulier xew bu particulier bobu tektelewul ne damay meuna utiliser règle bi sa yuma nexé ci yenen xétamé lol dañ koy wax ci amna benen façon manam li dafa dugg dafa am règle yu dugg ci biram bu yok bo xam donc meuna comprendre comme règle bi way ma kharja an al qiyas non du bo fa khayruhu alayhi la yunqas lolou amna am règle la tamit moy lo xam dafa genn ci qiyas duñ ko qiyasé ci lenen non lolou mais lolou meuna dugg ci li c'est à dire que tay comme par exemple buñuy julli salatul khawf moy gaay di guerre julli bi yoy ñu julli nga xamne imam bi day taxaw jité ñeneen ben raka wala ñaar bu de dañuy matal gaay dem mu julli ak ñom benen yeneen raka yi ci dess hein mais kenn ku ci nek yow genn walu julli ngay julli comprendre lolu kenn mënul wax ne par exemple waw manam mënoko le fait que ñu yonal ko fofu tekki wul ne sa yo nekk ci situation insécurité rek julli bu mel non dañ koy yonal comprendre ba lay wax comprendre comprendre ba voilà comme tay par exemple buñ la permettre ben mbir ci ben situation lolou tekkel wul ni peut-être que sur une situation bo présenté wana d'accord mais boudé situation yu ko nuru la rek dañ koy daganal dedet d'accord donc une situation particulière n'aboutit pas forcément à une règle générale à une règle générale voilà il peut y avoir des exceptions voilà une situation xolal mom la par exemple moy xolal c'est que dafa am règle yu ko nuru motax comme zikr ba'd afrad al-umum la yukhassasu par exemple règle bobu dafa nuru règle bi mais sauf que c'est à l'opposé wala presque ben bi la sax moy afrad al-umum moy mu tuddu non opposé au règle bi la c'est-à-dire qu'il faut être entre les deux, mm-hmm. entre bi ak benen ak benen bi moy comme par exemple jeun yentib sallalahu alayhi wasallam bune waxal la na ma tatan wa daman fa amal ma tatan fal jarad wal hut wa amma daman fal kabid wa tahal hadith bob mu nek ci musnad bi ak sunan ibn majah bu abdullah ibn umar ibn khattab radhiyallahu anhu ak ci yenen tere yentib sallalahu alayhi wasallam wa senju nek may ko sahat wa hinat ma tatan wa daman fa amad wa wax nga deug wax moy dagal nañ len li tere nañ ko ñaari deret yi ak ñaari dagal nañ len ñaari deret dagal nañ len ñaari meddu ak ñaari deret wax mu tuddu ñaari meddu ñaari deret yi ñu dag ñaari meddu yi ñu daganal pour nañ ñom fofu pour baña guddal ñaari meddu yi mu ne al moy jureer ak jeun du deug le fait que mu tuddu jureer ak jeun lolu tektelewul ne automatiquement lepp lu jugé ci geej gi rek da wara dagal jeun bi le fait que mu tuddu jeun lolou du tektale ne lepp lu jugé ci lan ci geej rek da wara dagal d'accord non ni mom ça s'applique particulièrement dañ koy mëna comprendre facilement wa parce que am lo xamné day geej ngi dañ ko lek wala du moins légi mu am hadith bu né al halu maytatuhu amana at tahur ma'uhu wal halu maytatuhu né medum geej dafa dagal d'ailleurs mota xaraf yi xol rahmatullah alayhi ñom pour ñom jeun dal mo dagana lek ci geej ndax ñom règle bi lañuy laye buñu joxé buñu saxalé atté ci bénn mbir téktéléwul né manam bu particulier manam parce que jëm ci bir geej dafa particulier téktéléwul né généralité mbolam lu nekk ci geej dafa dagal mais ñeneen ñi moy jumhur maliki shafi hanabil rahmatullah ñom benen règle bi lañu laye zikru ba'd afra zikru ba'd afrad al-umum la yukhassisu tuddu len ci element généralité bi du particulariser acte bi du ko particulariser acte mom le fait que nabi sallallahu alayhi wasallam tuddu ne jinn fi tektelewul ne jinn rek ka dagal mais hadith bo mo gëna matalé manam fi dafa tuddu rek dafa tuddu jeun parmi tant d'autres da ko joxe comme exemple vous comprendre la comprendre ce qui fait que ñaar règle la yu mel ñaar règle yu opposé ent mais ce qui veut dire que ni parce que règle par exemple dañu dem non manam règle bi day def ni am benen règle bu ñew teunk ko d'accord. Donc c'est des règles quand tu les vois en apparence, tu as l'impression que dañuy ki dañuy opposé. Sauf que elles se complètent, elles sont complémentaires. Voilà. Wala ben bref dafa ñeu eum benen def ko. Voilà. Voilà. Wala ben bi dafa ñeu pour limiter benen bi. D'accord. Mëna nek tamit ka bobu. Voilà. D'accord. Comme ben am la règle al amru idha daqa tasa'a. Xam nga lool ñaan règle en fait al amru idha daqa tasaa ak al amru idha tasaa daqa mbir mi su yaato suñ ko yaatalé su yaato rek surtout circonstance de largesse ñew rek dañuy xatalat affaire bi mais su démé ba xat sharia day ñew yaatal ko d'accord loolu ñaan règle la bon et cetera xamna ci jotay bi di ñew inshallah dina gëna ñew ci gëna léral yi parce que sincèrement dama minimiser won partie bi ni ci commentaire yimu laaj ci leral yimu laaj effectivement pour meuna aboutir après wow ak mais inshallah ci jotta bi ni ñeu dinañ jëlat lolu inshallah waxat ko résumer wat ko amana day jarab sax ñu commencer wat fiñu dalé won dedet wala ci règle bu mujju non règle waaw non di meun nañ commencer wat ci règle bu ñëk bi sax waaw mais pour leral dal inshallah inshallah yalla yombal inshallah amin wala yalla yombal te woyofal amin ya rab war ko rasulullah alayhi salatu wassalam والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين